Tu dois changer de plume, Nico. Tu dois combler tes lacunes, Nico. Tu vas tomber de haut, car Nico, Carla ne fait pas de tube, Nico. Tu dois changer ton humeur, Nico. La vérité en a qu'une, Nico. Nous n'y que dans oh, oh. Nico Nicolas, Nico Nicolas, j'te Nico Nico Mike, Nico Nico Mike. Nico Nicolas, Nico Nicolas, pathétique petit gars, tactique petit A. Tu te fais élire, ça te fait plaisir. Tu ne fais que trahir, donc te fais haïr. Tu changes de meuf, tu joues au keuf. Et rien que tu bluffes, que tu bluffes, que tu bluffes. Tu te fais une teuf depuis que t'es là, rien de neuf. Pour mes russes et mes refs, du 6-2, du 5-9. Dans ma France, l'espoir est mince que ça avance. T'as déjà ta récompense, t'es au pouvoir donc tu danses. Et tu penses que tu es en avance sur les autres, que tu les surclasses avec tes autres. Moi je pense que tu es en transe à l'idée que beaucoup d'autres veulent te voir prendre la porte. Nico, tu dois changer de plume, Nico. Tu dois compléter la dune, Nico. Tu vas tomber de haut, car Nico, Carla ne fait pas de tube, Nico. Tu dois changer ton humeur, Nico. La vérité en a qu'une, Nico. Le mec dans haut, car il a fait des études sur comment on en tube. Pourquoi tu cours plus avec Fillon le matin? Parce que des chevilles au fion, t'es enflé, t'es atteint. Tu as pris la grosse tête, tu fais la bise au state. C'est la bise et on se tait, c'est abusé, on se fait exploiter par ton état policier. Journaux TV monopolisé par l'Elysée. Très bien visé, avant t'étais déguisé. Maintenant tout couteau est aiguisé. Dire que certains sur toi ont misé, pas moi car on m'a avisé. Où est ton pouvoir d'achat? Je cherche mais je ne vois pas. Je cherche mais je ne sais pas. Où est mon pouvoir pacha? Peut-être dans ton foie gras commandé au plaza. Moi je veux bien travailler plus pour gagner plus, mais y'a pas de taf pour tous, c'est un comblé en plus. La NPE c'est comme la roulette russe, avec le chargeur plein tu te prends que des phallus. Nico, tu dois changer de plume, Nico. Tu dois compléter la dune, Nico. Tu vas tomber de haut, car Nico, Carla ne fait pas de tube, Nico. Tu dois changer ton humeur, Nico. La vérité en a qu'une, Nico. Le Nico dans haut, car il a fait des études sur comment on en tube. Tu dis défendre la démocratie, alors pourquoi invites-tu Kadhafi à Paris? Tu devrais baisser la tête, petit. Au lieu de ça, tu te la pètes, petit traître, petit être, petit. C'est toi qui, après Tchernobyl, a contribué à cette intox débile, faisant croire que le nuage radioactif, il s'était stoppé juste devant nos villes. Je te décerne la palme de la propagande. Sur la scène, tu te balades avec ton gang. Tu aimes draguer l'électorat d'extrême. Tu reprends même les slogans de Le Pen. Pas la peine d'essayer de te justifier. Ta justice est pliée, ta justice est sciée. Moi je veux juste jouer au justicier. Pour ceux qui étaient ici hier, une pensée aux expulsés. Nico, tu dois changer de plume, Nico. Tu dois compléter la dune, Nico. Tu vas tomber de haut, car Nico, Carla ne fait pas de tube, Nico. Tu dois changer ton humeur, Nico. La vérité en a qu'une, Nico. Le Nico dans haut, car il a fait des études sur comment on en tube. Nico, nous, nique, mec, Nico, nous. Ni, ni, ni, nique, mec, Nico, nous. Nique, girl, Nico, nous. Ni, ni, ni, nique, girl, Nico, nous. Nique, mec, Nico, nous. Ni, ni, ni, nique, mec, Nico. Nico, tu dois changer de plume, Nico. Tu dois compléter la dune, Nico. Tu vas tomber de haut, car Nico, Carla ne fait pas de tube, Nico. Tu dois changer ton humeur, Nico. La vérité en a qu'une, Nico. Le mec d'en haut, car il a fait des études sur comment on en tube. Nico, tu dois changer de plume, Nico. Tu dois compléter la dune, Nico. Tu vas tomber de haut, car Nico, Carla ne fait pas de tube, Nico. Tu dois changer ton humeur, Nico. La vérité en a qu'une, Nico. Le mec d'en haut, car il a fait des études sur comment on en tube. Nico, nous, nique, mec, Nico, nous. Ni, ni, ni, nique, mec, ni. Nique, girl, Nico, nous. Ni, ni, ni, nique, girl, Nico, nous. Nique, mec, Nico, nous. Ni, ni, ni, nique, mec, Nico, nous. Nique. Les gens m'ont dit quoi? Sarkozy doit... on n'en peut plus. On n'en peut plus. J'ai dit on n'en peut plus de quoi? On n'en peut plus de Sarkozy. On n'en peut plus de voir baisser la tête parce que M. Sarkozy nous rend la vie impossible. Débarrassez-vous de Sarkozy. On en a plus qu'assez. On veut vivre tranquille. On est des honnêtes gens. Voilà ce qu'ils disent dans les quartiers. Allez les écouter, les gens. Oui, madame, ne vous inquiétez pas. Je suis là pour ça. Vous voulez qu'on vous débarrasse de Sarkozy? Mais on vous débarrassera de cette racaille.